Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 18. Du sujet de l'espérance. Que le sujet de l'espérance est la volonté. Cette vertu n'existe ni dans les saints, ni dans les réprouvés. Comment l'espérance est certaine en nous? 1. L'espérance existe-t-elle dans notre volonté comme dans son sujet? L'espérance est un mouvement appétitif. Or il y a dans l'homme deux sortes d'appétits, l'appétit sensitif, qui se divise en irascible et en concupiscible, puis l'appétit intellectif, que l'on appelle volonté. Voir la partie 1, question 82, 5. L'espérance n'appartient pas à l'appétit sensitif, puisqu'elle a pour objet principal le bien divin, et non le bien sensible, elle existe donc dans l'appétit supérieur, qu'on appelle la volonté. 2. L'espérance est-elle dans les bienheureux? Ce que l'on voit, dit saint Paul, comment pourrait-on l'espérer? Romains 8, 24. Les bienheureux jouissent de la vision de Dieu, il n'y a plus lieu pour eux de l'espérer, on espère un bien que tant qu'il est à venir. L'espérance, comme la foi, sera détruite dans la patrie céleste. Note. Les saints qui participent à l'éternité divine ont la possession absolue de la béatitude, il n'est pas d'avenir pour eux, ils sont au-dessus du temps. S'ils espèrent la béatitude pour les autres hommes, c'est moins par la vertu d'espérance que par l'amour que produit en eux la charité. Quant à la gloire du corps, elle n'est plus une chose difficile à obtenir pour celui qui a déjà la gloire de l'âme, elle est peu de chose, si on la compare à celle-là, elle existe d'avance dans le bienheureux par sa cause même. Fin de la note. 3. L'espérance est-elle dans les damnés? L'espérance n'existe que dans les hommes qui voyagent, elle produit la joie, et il n'y a pas de joie pour les réprouvés. La perpétuité étant attachée à leur peine, c'est une nécessité ressortant de leur malheur même qu'ils sachent l'impossibilité où ils sont de parvenir à la béatitude. De là cette parole de Job. Il ne croit pas pouvoir retourner des ténèbres à la lumière. Job 15, 22. 4. L'espérance de l'homme voyageur ici-bas est-elle certaine? Notre espérance est certaine, comme le marquent ces paroles de saint Paul, « Je sais à qui je me suis confié, et je suis assuré qu'il est assez puissant pour conserver mon dépôt. » 2. Timothée 1, 12. De même que la nature opère avec certitude, mue par l'intelligence divine, car chaque être tend infailliblement vers la fin qui lui est propre, de même aussi l'espérance tend avec certitude vers sa fin, appuyée sur la foi. Note. On dira peut-être que nous ne pouvons pas être assurés d'avoir la grâce. Nous répondrons que l'espérance repose tellement sur la toute-puissance de Dieu et sur sa miséricorde, que celui qui n'a pas la grâce peut l'obtenir et parvenir au ciel. Or, avec la foi, on est assuré de la toute-puissance de Dieu et de la miséricorde divine. On nous dira encore que nul ne saurait être certain qu'il ne péchera pas. Ceci n'infirme en rien la certitude de l'espérance, car si ceux qui ont l'espérance n'arrivent pas tous à la béatitude, c'est la faute du libre arbitre qui émet obstacle par le péché. Ce n'est nullement celle de la puissance ou de la miséricorde divine, appui principal de la vertu d'espérance. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.